Mike Mixtape 91. Enchaîne l'instru mon pote. Serre, LAMS, OCP, ouais c'est bon, ouais, ça. C'est bon, ça. Esprit, très accéléré, MDP, ma banlieue regroupe MC de tout genre. Indulgent, hardcore, sensé et touchant. M'a dit non, bitch, représente ma main et la MS. Spike au mic, tu veux qu'on baisse? Envoie un SMS, bitch. Du lycée pour NOSS, il aime d'Imen. Jugé en assise, popo qui te juste est dans le hall 26. Casté, dit Freddy K, on nique le triple K. Pétage de blocage quand t'entends au cinéma si tu jettes de chat. Calibé mafia, mon zinc à moi. Pour acheter de la sap, rendez-vous chez Taraki dans son zingama. On part au bon char avec OCB, ouais, c'est bon ça. En coste, là ça va coussi coussa. Direction massive, voir mes fistos à la tous mes frangers. Ta meuf on la plafond, toi on fait bouffer le plancher. Fonce des à la NGN avec la estime. En 500 à F-Steam, on tape des impros avec la Nakine. La fiche la prend one à one, autour du doigt j'ai pas d'anneau. Donc j'pars en passe-passe avec Narvi et Wano. Les condés sont chauds, dans la vie j'en chie. Voilà pourquoi mon écriture est sale comme Hulk et Yoshi. Le juge nous lâche des durbelles. J'ai plus de classe comme FK, enquête d'Oscar, vite la légion urbaine. J'touche pas au taspé de crack. Bien que j'aime lécher des chattes avec le 9 de car j'fous la merde. C'est dans les gènes, toujours un 16 mesure dans le jean pour aller poser chirogène. Génération 1991 avec la Scarface. La vie me dégoûte comme galoche, une meuf à derpèce. Une autre espèce, une espèce en point de distinction. J'vise les ronds avec le 911. J'suis dans une matrice, j'nique les amatrices. On veut du 109-1 avec Black 10 et Amétis. Chaque jour c'est F, bonos écoute nos sims. Ici tout est possible, avec la mafia, elle est là et des gros sims. Tu s'en passes, quoi t'es le préau. J'suis un mangeur de bière comme Frigo ou Dabro. Pour faire l'oseille gros, faut pas hésiter. Pour les leftos, je dégaine mon style comme Kisito. Et le comme Vegeta, je tiens la manette avec GTA, SK, malfaiteur, Sopi. Je suis pas dans un de Vegeta. Sur le micro, c'est la balistique. J'ai 600 pros, je nique les keufs. Jusqu'à l'Obamigo, sur terre-terre. On nique les syndics et les commères. Je veux les honneurs avec Afro Air et Tonnerre. Je fais danser les halls. Avec la qualité, j'arrache les salopes sur Dancehall. Avec Alita, on baisse les décraques et puis à du beat. Notre gars est grave, demande à Afka et gras. Je lâche un procès, tape un freestyle en plein procès. Casse des deals à Black Team et le trio bronzé. C'est la MDP avec Chino, Laurent et Christo. Qui sert au mic, j'ai flow, vénère comme les pistos. Avec P3 Productions, Patrick et Nocif, c'est corrosif. Mes lyrics sont entiers du son. Donc bitch à Evry, Grini à Mas, il faut que tu ne jamasses. Casse des deals à Scurfly et à Mas. Quand je pose, c'est pas des blagues, j'rappe le mic au plaque. J'm'en pas les couilles d'être sur vos blocs. J'suis dans les blocs, ok. J'suis le genre de mec qui chatte. J'ai chat qui ronronne, sache qu'on met des coups de hache. Avec Tat, j'ai Tyron, Vitox. Faut que je prie comme de l'inox. Pour la famille Gabi Box et B-Box. J'suis venu dresser le score, sous bon escort. J't'escroque, j'suis très énervé avec Idriss et Score. Sous le crâne, la casquette, Louis Vuitton. J'suis venu poser, j'ai des cas sort forfait et poser Idon. J'suis pas ton pinko, demande à Paco. J'te jure, c'est n'impro. Quand papy part en impro, j'te lâche une démocrate. Lâche les pesos, on a la date, mandat démocrate, Delic Mal, Bledos. On veut des Oscars, on fait trop de dégâts. Rap illégal, avec Jovska et des gars, rap dur. Blindé mon armature, big up le 7-8 et armature. Yeah, dans la poche comme ta con sur 91. On est là ou quoi? Hein? On dit quoi? Pour la famille, dédicace. Tous les gars qui me connaissent, le